de la yeyara de nosso de la mentive. Pi yidia nyonyi de na dia nyonyo karabani kumanyoni misaye. Ni baratila yeyara de nosso de la ventila koro. Kuye fudu nyonyi de na fuduru karabani kumanyoni misaye. Aluya isabari gorobo menge yarabi kanino. Aluya itolo malo mafila kande jeni dena kelen kelen falunye. Aluya isabari futezi meke la fata makanino. Aluya itolo malo mafila kande jeni dena kelen kelen falunye. Aluma yene kafu nyarabi nye wantere. Mena nyalankalana nema nyarabi yela teko. Kaninyonye wandere mena nyalankalana nema nyarabiye la teko naramaka ni manyi mano limisaye baka mafudu vele manne manyo baraye naramaka ni manyi mano limisaye baka mafudu vele manne manyo baraye ala mendi yari nye la madu dena nyakuma mfanye makono ndari manyi mayarabi nani zadu yele narabaka ni manyi manambaraye ni baratila yeyarabi musule la mentife. Dia nyonyi ni na dia nyoro karabani manyo baraye. Ni baratila ya yarabi kele la mentife. Kwi fudu nyonyi ni na fududu karabani manyo ni misaye. Alu ya isabari borobo kumenge la lefata makanino. Alu ya itolo malo mafila kande jeni dena kele nkele mfalu nye. Neka funyarabi nye wantere mena nyalankalana nema nyarabi yela teko enyante neka funyarabi nye wantere mena nyalankalana nema nyarabi yema nyumako anakalo neka funyarabi nye nitere aadinya nema tanzoro nyemanyi manyo dimisaye faza makani mbele manyi manyo baraye naramafudu manyi manyo dimisaye faza mafudu mbele manyi manyo baraye alamendi yareye alamendi yara kamara musuye alamendi yareye nafatu dogo manyi sabala. Interprétation comparée dimanche, c'était Manfila Kanté dans Camara Mousso. Je dois vous dire que les Camara Mousso sont donc à l'honneur aujourd'hui dans Interprétation comparée. Et Manfila Kanté, toujours très romantique, avec sa voix mâle, un ténor de la chanson et de la musique guinéenne. Il s'accompagne lui-même ici à la guitare dans un style traditionnel qui est bien connu des mélomanes qui aiment beaucoup Manfila Kanté. Et moi, je dois vous dire franchement que j'aime bien cet artiste qui est assez original et qui a beaucoup fait pour la musique guinéenne. Donc, la première formation à interpréter Camara Mousso, c'est bien sûr le Bembea Jazz National. C'était en 1970. Thank you. 13h46, le Bembea Jazz, un extrait de l'album 10 ans de succès, guitare rayonnante de Sékou Diabaté. La basse était simple, elle était tenue par Amidou Diaoné, qui était à l'époque chef de cette célèbre formation. Le solo de saxo très brillant, le sax ténor, tenu par Derigo Clément, qui est d'origine béninoise, qui a d'ailleurs rejoint il y a plus de 10 ans son beau pays, le Bénin. Et oui, et la voix de Demba, pour terminer, que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie assez bien. Oui, c'était la belle époque du Bembea Jazz National, les années 70. Les paroles ont été bien reprises et sont conformes au texte de Manfila Kanté. L'arrangement musical dans le style propre au Bembea Jazz National, le rythme était une rumba, la rumba guinéenne que vous connaissez, qui a fait le bonheur de la musique guinéenne à ses débuts. Après le Bembea Jazz National, la seconde formation orchestrale à reprendre ses terres, c'est bien sûr le Oréa Band. Et le vocal est tenu par Guélifoudé Diabaté. Musique bimoso de la mentive. Puis il y a non yen en dernière, on a la maman. Ne barati la idée, la bimoso de la mentive. Puis il faut de non yen en a poudre, c'est des mois de son moyen. L'allemand pour la vie à fond, mais pour la vie à fond. Avevé de la malade, la ganga, la de la gêne des yaks. L'allemand pour la vie à fond, mais pour la vie à fond. Arrivé de la malade, la pour la vie à fond, mais pour la vie à fond. Oui, à la ne le capon pour le joyeux paillot. C'est le doumain, mais la n'y a la galana, ne moigne la vie. Oui, à la ne le capon pour le joyeux paillot. C'est le doumain. Benem peripiri na jene mungu jonyoye Abena na tema dolo ni sebe mwanka Mbalo se kama Ndoni la tiku njere bila kasi mwanyi Abena na tema dolo ni sebe mwanka Njire le petra man Umu la tiku njere bila kasi mwanyi style. Ici, musicalement, il faut dire que l'Orea, contrairement au Bembe Jazz, joue en gamme mineure. Sachez qu'il existe deux modes de gamme en musique, le mode majeur et le mode mineur. C'est ainsi que l'on a la possibilité d'utiliser la relative d'un accord, c'est-à-dire qu'on peut passer du mode majeur au mode mineur en utilisant justement la relative de l'accord, de la note ou de la gamme correspondante. Gelifou de Diabaté ici était au chant, il insistait sur les basses fréquences, il faut le dire, parce qu'il chantait un peu en grave. Il était quand même bien à l'aise dans cette gamme. Et le solo de guitare était tenu par Balakala, qui fut le deuxième soliste de cette formation. Le Warrior Band à l'époque, orchestre régional de Kankan. Nous allons évoluer et c'est le Bembera Jazz National que je vais vous proposer dans sa deuxième version. C'était à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire en 1972. Camara Mousso toujours. Un enregistrement live du Bembea Jazz National, vous constaterez que le contact avec le public donne d'autres sensibilités aux musiciens, ce qui offre l'occasion aux solistes de s'éclater et rajouter d'autres mélodies, ceci venant ravigoter le visage musical et donnant plus de punch au spectacle. C'était le cas ici, dans cette version du Bembea Jazz National. Vous avez dû remarquer, c'est que Bembea qui n'a pas repris le solo comme il l'a fait sur le célèbre album 10 ans de succès. Donc cela est simplement dû au fait que le spectacle est totalement différent de ce qui se passe en studio. Et chapeau donc ici au Bembea Jazz et au Réaban National, les deux formations que nous avons déjà écoutées depuis le début de cette émission, Interprétation comparée dimanche, qui prendra fin à 14h15, car je dois vous dire que nous avons maintenant 40 minutes à passer ensemble au lieu de 60. Et quoi qu'il en soit, l'émission se passera toujours dans des conditions souhaitées par tous les auditeurs de Radio Guinée. Après donc la deuxième version du Bembea Jazz National, nous voici avec le Super Flambeau, qui était l'ex-Boiro Band. Et là, le style est un peu particulier, car il est accompagné par l'orgue électronique que vous allez écouter maintenant. Ni barati la ye yarabe mosu de la menti fe. Ni barati la ye yarabe kele la menti fe. Andi ye nye la fasa mane mayon baraye. Ankanina gwede ya ne mayon baraye. Alamandi yariye. Alamandi yara kamara muse. Alamandi yariye. Nale kamara ke talatiye. Alamandi yariye. Alamandi yara kamara muse. Alamandi yariye. Nale kamara ke talatiye. Fudu la gwede ya ne mayon baraye. Kanina fasa mane mayon baraye. Alamandi yariye. Alamandi yara kamara muse. Alamandi yariye. Nale kamara ke talatiye. Alamandi yariye. Alamandi yara kamara muse. Alamandi yariye. Nale kamara ke talatiye. 14h04, vous suivez la radiodiffusion nationale de la République de Guinée et c'est Interprétation comparée que vous écoutez comme tous les dimanches à partir de 13h35. Aujourd'hui, les Camara Moussou sont à l'honneur dans cette émission et on m'a dit qu'Ala Camara ne dira pas le contraire. Il paraît que les Camara Moussou sont les plus belles parmi toutes les Moussou de Guinée. Ça, c'est comme on m'a dit qu'il le dit. Le Super Flambeau, version marquée par l'apport de l'orgue électronique tenu des mains de Mamadi Kouyaté, qui était alors sociétaire du Flambeau. Au chant, vous aviez Sana Camara, qui est un chanteur saxophoniste qui a fait les beaux jours du Colima Jazz de la Baie, avant de se retrouver avec le Super Flambeau, ex-Boiroband. Donc cette version est quand même un peu originale. Et elle est marquée essentiellement par l'apport de l'orgue électronique. Et Mamadi Kouyaté est d'ailleurs l'un des premiers à utiliser cet instrument chez nous, vers le début des années 70. Après le Super Flambeau donc, pour terminer, je retrouve le Oreaband dans une autre version. Et ici, c'est toujours Camara Moussou, avec le Oreaband, Djelifou Djibaté, toujours au vocal. We'll be right back. la yeyera bi muso do la mi wiye di anyonyi ne na di anyero fasa mwane mwanyo mbaraye lani mwakoro to wiye fo mi fodo ya de koro kwa kani mwando ali bito do malo na kanka kali la jile di ya kile kile mwade lani mwapere se wiye fo mi fodo ya de koro kwa kani mwando ali bito do malo na moro ya pandi poli la li ya kile kile mwade Weyana, nele kabonga ni njoma kwa jitere nye eduma Mena njala kala nande monga ni njoye Kini kutu ya Weyana luja nele kabonga kutu njoye Kwa jitere nye edundu Mena mferifiri nande monga kutu njoye Nake kutu ya Abena la tema tolo ni sebe monga Malo ni trauma Ndoni la te mungere bila kasi mwaji Umuweka ni mnyama Abena la tema tolo ni sebe monga Nyele fe trauma Umuweka ni mnyama bila kasi mwaji Umuweka ni mnyama Malo ni trauma Bakini kini kwa Lauréat bande nationale dans la deuxième version de Camara Mosso. Ici, il faut tout de suite dire que le balafon a donné une empreinte toute particulière à cette version. Et le balafon qui était tenu par Ibrahima Soumano, qui était alors balafoniste de cette formation et guitariste. Ibrahima Soumano qui se retrouve aujourd'hui dans le Bembea Jazz National en qualité de guitariste accompagnateur. Le solo de guitare Lansana Kondé faisait son entrée. Il est venu troisième soliste après Balakala, bien sûr. Il a donc changé un peu, quelque peu le style et il n'est pas du tout revenu sur les phrasés de Balakala. Et ici, Lansana Kondé a imprimé donc son style au Réabande, solo de guitare qui était d'ailleurs soutenu par le duo vocal tenu par Djedi Fodé Diobaté et Lansana Kanté. Le solo de sax soprano de Mitura Traoré, qui était alors chef de cet orchestre, était bien à propos aussi. Le Réabande National, qui a repris il y a un bon bout de temps, avec de nouveaux musiciens certes, mais avec des anciens aussi qui sont restés, tels Lansana Kondé au vocal, toujours la guitare Lansana Kondé, et Lamine Camara, le chef d'orchestre tumbiste, ensuite Belmondo, et qui est toujours resté à la batterie. Donc, beaucoup de chance donc à cette célèbre formation, le Réabat National, que vous retrouverez certainement ces jours, dans les jours à venir, dans l'un de nos dancings. Donc, c'est sur ces notes que nous allons nous quitter. Je dois vous dire que nous avons suivi successivement Mafila Kanté, toujours dans la célèbre chanson Camara Mosso. C'était donc, on est parti du folklore au moderne. Mafila Kanté a donné le ton. Mafila, très romantique, avec sa voix mâle, il s'accompagnait lui-même la guitare. Ensuite, vous avez écouté la première version du Bembea Jazz National, tirée de leur album 10 ans de succès, c'était en 1970. Le Réabande est venu en troisième position en 1971 avec Djeli Fodé au vocal. Ensuite, nous sommes revenus sur la deuxième version du Bembea Jazz National, un enregistrement pris à chaud au centre universitaire de Cocody, et c'était à l'université donc d'Abidjan. Le super flambeau avec l'apport de l'orgue électronique tenu par Mamadi Kouyaté à l'orgue, une version aussi assez originale. Ensuite, le Réabande est venu boucler avec sa deuxième version apportée par le soutien du balafon. Donc, vous avez vu du folklore au moderne comment la musique guinéenne a été travaillée par les formations que je vous ai proposées cet après-midi. Donc, interprétation comparée. Maintenant, on va fermer les portes de l'émission. Je dois vous dire que le dimanche 22, nous serons dans la fièvre de l'OUA. Le sommet se tenant juste la semaine prochaine, sommet des chefs d'État. Donc, interprétation comparée sera consacrée à l'OUA, aux chansons qui chantent notre Afrique et qui chantent notre unité, l'unité de tous les Africains. Et dimanche 29, c'est-à-dire la semaine qui viendra après, ce sera donc l'émission tant attendue, le spécial Bob Marley, car beaucoup d'auditeurs nous ont appelé ici en studio pour nous dire qu'ils attendaient l'émission de Bob Marley cet après-midi. Et je vous dis donc, restez à l'écoute, le dimanche 29 mai, ce sera le spécial Bob Marley. Dimanche 22, spécial OUA Interprétation Comparée. Et je vous dis bon dimanche à vous, il est 14h14. Amadou Conté a tenu les manettes techniques de cette émission. Jean-Baptiste Williams était à la présentation. Je vous dis bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. C'était Interprétation comparée, votre émission de tous les dimanches.